Après un mille et un jaloux, un mille et un frustré, ici Casey Alonopi, en direct du studio à CSV avec JC, 69.3 FM, Doc Babylon, la radio qui laisse les wrongs, contrôle les ondes. On a tenté de nous ralentir, mais c'est impossible, et il est minuit, et on prend quelques appels. Oui? Hey, great job on your album, man! Heck of a display! Bonjour, Casey, t'es en prison? انا MC كاميليون كنتكلم معكم من باريس مع هوينة مفترسة مدنية كيسيرا من اوبي. En passant, 69.3 Doc Babylon reconnaît les talents qui travaillent à C'est quoi? CIBL, CISM et Radio Clément de Montréal M. Et ne pas oublier le numéro à signaler 339-0185. Soyez stylés.